Bonsoir, bonsoir et bienvenue, c'est la Radar du Sport, il est tout juste 19h30. Ravi de vous retrouver pour cette dernière émission de l'été, en ce lundi 28 août. Ce sera la dernière sur cet horaire, 19h30 jusqu'à 21h, 21h30. Et puis à partir de lundi prochain, nous retrouverons l'horaire traditionnel, donc de 20h30 jusqu'à 22h30, puisque camarade Manu sera de retour pour On The Rocks, donc à partir de lundi prochain. En attendant, ce soir, eh bien, le programme, donc avec un impératif de 21h ce soir, pour des raisons techniques, nous terminons, nous rendons l'antenne à 21h, et pas une minute de plus. Donc le programme, qui sera le suivant, pendant cette première demi-heure jusqu'à 20h, eh bien, l'actualité de multisport, hein, on aura la Formule 1 avec Verstappen, on aura l'athlétisme et championnat du monde, on aura le basket, la Coupe du Monde et l'échec des Bleus, on en parlera évidemment tout à l'heure. On aura aussi du volley, puisque l'équipe de France féminine est en quart de finale de l'Euro volley, puis les garçons, eux, démarrent leur championnat d'Europe également cette semaine. Voilà, donc du volley tout à l'heure, du handball, bien entendu aussi. On aura également du rugby à quelques jours du mondial. Là aussi, un mondial qui va démarrer pour l'équipe de France de rugby masculine. On parlera du match d'hier aussi, également, bien sûr, face à l'Australie au Stade de France. Du tennis, l'US Open. Et puis, bien sûr, à partir de 20h, la page foot avec Hugo qui sera avec nous. Donc, jusqu'à 21h, voilà le programme qui vous attend. Beaucoup de choses, hein, un gros programme, puisqu'il y a beaucoup d'événements en ce moment. Hein, on le disait, l'US Open qui démarre. Les différentes Coupes du Monde un petit peu partout, que ce soit au rugby, au basket, l'athlétisme qui c'est terminé, l'euro au volet. Alors, il y a beaucoup de choses, donc on va essayer de faire assez vite, en tout cas passer assez vite sur cette première partie jusqu'à 20h, et puis à partir de 20h on sera avec Hugo pour tout débriefer. Une seule pause donc entre cette page multisport et le foot qui autour de 20h du coup, et puis la page aussi foot juste après. On aura une dernière pause pour finir. Mais voilà, ça sera, y aura qu'une petite pause entre les deux, et donc ça va s'enchaîner assez vite. Les directs aussi, on en suivra un certain nombre. On aura donc on a en ce moment l'Italie avec donc deuxième journée de la Serie A, Salernitana face à Udinese 0-0, c'est la mi-temps. On aura un petit peu plus tard aussi à 19h30, donc dans là c'est même parti depuis quelques minutes, en Espagne, Retafe à la Ves. C'est donc la troisième journée de la Liga. 20h45, ensuite s'enchaînera la Ligue 2 avec la quatrième journée, Annecy face à Saint-Etienne. On aura aussi à 20h45 Cagliari, Inter Milan à suivre aussi en Italie. On aura à 21h ensuite Versailles-Rouen qui démarrera pour la troisième journée de National. Et enfin 21h30, on aura Rayo Vallecano-Atlético de Madrid. Beaucoup d'événements aussi ce soir, beaucoup de directs. Et puis l'US Open évidemment aussi, hein, tout au long de la soirée, puisque ça va s'enchaîner pardon jusqu'à la fin de une bonne partie de la nuit même. On aura des Français, on va surtout suivre les Français, avec deux Français sur les cours, Adrian Manarino qui est opposé à Watanuki, le japonais. Pour l'instant, une manche partout entre les deux hommes. On joue la troisième manche, pas de break pour le moment. Et puis Richard Gasquet, qui lui est opposé à Marozan, le hongrois. Pour l'instant, il est mené deux manches à une, et on est dans la quatrième manche, pas de break non plus. Donc voilà les Français pour le moment. On aura un petit peu plus tard d'autres Français qui joueront, Grégoire Barreur. On parlera aussi du jeune Français Titouan Droguet qui attaque pour la première fois un tableau d'un grand chelem, lui qui est sorti des qualifications, et il affrontera Muzzetti. Ce sera compliqué pour lui pour son premier tour. On aura Enzo Cuoco aussi qui jouera ce soir, un peu plus tard en soirée. Hugo Gaston, Quentin Alice, Benjamin Bonzi d'ailleurs qui se rencontreront, Alexander Müller face à Novak Djokovic. Ce sera cette nuit, un gros match pour le Français. Et puis chez les femmes, on aura des Françaises, mais plus tard en soirée, Alizé Cornet notamment, qui sera sur les cours. Et on aura et on a déjà la défaite de deux Françaises, Fiona Ferro Et puis une autre française aussi qui ont perdu tout à l'heure en journée. Voilà, donc l'US Open, pas mal de directs. On aura aussi Casper Ruud qui est en ce moment sur les courts. Holger Rune, on a également qu'est-ce qu'on a de Sébastien Hoffner. Enfin voilà, pas mal de joueurs de match. On essaiera de faire un point régulièrement. Mais voilà, je vous rappelle, gros programme avec une première demi-heure qui sera assez intense puisqu'on va évoquer, balayer tout, toute l'actualité des multisports avant de finir par le foot. On va commencer, je vous disais pas de pause, hein, on aura une pause juste avant le foot à 20h et Hugo qui nous rejoindra, je vous le rappelle. On va démarrer avec la Formule 1 très rapidement puisque bah il n'y a pas eu de surprise encore une fois. Pole position et victoire pour Max Verstappen. À domicile en plus, hein, évidemment, le Grand Prix des Pays-Bas. Il a remporté cette course devant Fernando Alonso. A noté la bonne position de l'Espagnol sur Aston Martin. Deuxième place en 4-3, un peu plus de 3 secondes. Et puis il y a Pierre Gasly. Là aussi, bonne remontée pour le Français. Troisième sur sa Alpine avec 7 secondes de retard sur le Hollandais. Donc belle remontée pour le Français. Hein. Voilà, il a profité des événements du début de course, à savoir la pluie qui est tombée, voilà, il y a beaucoup d'événements qui se sont déroulés et des choix aussi pour certains, et ça a fait les affaires de Pierre Gasly qui était 12e seulement, on le rappelle, sur la grille de départ, donc une belle remontée pour lui, donc ça fait une 3e place sur le podium. Esteban Ocon, lui, il est 10e, un petit peu plus loin, et notez que Sergio Pérez, le compatriote, et du côté de Red Bull, a terminé 4e. Verstappen cache un 9e succès. Voilà, c'est consécutif. Encore une fois, c'est un gros événement pour lui. Il égale d'ailleurs le record de Sébastien Vettel, qui avait établi ce record en 2013, déjà 10 ans, voilà, il a égalé ce record, un record absolu, donc, il devra maintenant continuer pour battre ce record, puisqu'il y aura donc le prochain Grand Prix qui aura lieu. Ce sera ce dimanche, le Grand Prix d'Italie, Monza, évidemment, l'un des circuits mythiques également. Il aura l'occasion donc de enchaîner à 10e succès consécutif et se rapprocher encore du titre puisque désormais il possède 138 points d'avance sur Sergio Pérez. Voilà, c'est déjà presque fait pour lui. Il devra encore en patienter un tout petit peu pour valider ce troisième titre de champion du monde consécutif. Voilà donc dimanche Grand Prix d'Italie Monza pour la prochaine étape. En MotoGP, ce sera aussi la reprise après une petite pause. On a été du côté de l'Autriche la semaine dernière, on le rappelle, avec la victoire de Bagnaia. Ça reprendra après une petite trêve donc d'une semaine avec la Catalogne. Ce sera dimanche. Voilà, Grand Prix de Catalogne, donc dimanche pour cette course, voilà, où on retrouvera évidemment tous les Espagnols à domicile. Donc dimanche, Monza pour la Formule 1 et Catalogne pour la MotoGP. Voilà le programme qui attend donc les pilotes. Et puis du côté donc du rallye, on sera du côté de la Grèce, mais seulement la semaine prochaine pour la reprise du championnat du monde des rallyes. Refermons cette page et on va se tourner très vite sur la suite du programme. Ça passe par l'athlétisme et la fin des championnats du monde. On le sait, une grosse déception pour l'équipe de France, pour la délégation française, qui passe complètement à côté de ces mondiaux, qui n'a réussi qu'à prendre une médaille d'argent. C'était hier sur le 4x400, voilà, vraiment pour tout au bout des championnats du monde, hein, c'était vraiment la dernière étape, donc c'est 4x400, et ça a un petit peu sauvé les meubles, si on peut dire, du côté de la délégation française. Donc deuxième place sur le 4x400, les garçons, avec un temps 2:58:45, record de France à la clé, battu par les Américains 2:57:31, et puis la Grande-Bretagne qui a pris la troisième place donc de ce relais. Voilà, donc une grosse, grosse, évidemment, déconvenue pour bien les pour toutes les équipes de France, hein, toutes les épreuves. Il n'y a pas eu de médailles sur les autres relais, hein, les Américains qui ont dominé globalement tous les relais, hein, hormis le mixte, hormis les femmes qui ont été remportées par les Pays-Bas, mais autrement tous les relais ont été remportés par les Américains. Et puis donc côté français, bah pas de médaille hormis cette médaille là d'argent. À noter la blessure et le forfait, le retrait de Kevin Mayer après deux épreuves du décathlon. Il a préféré laisser au repos son tendon d'Achille pour éviter une blessure plus grave, et on le sait, à un an des Jeux, il va falloir être en forme très vite. Donc il a évidemment préféré s'arrêter avant. Mais voilà, en tout cas, c'est dommage pour lui. Et à noter aussi une belle place, celle du marathon, d'un Français qui n'a pas pris de médaille, mais qui en tout cas a pris la 7e place. Hassan Chadi, 7e donc du marathon, qui est triple champion de France de cross. Et il a pris une belle 7e place, le Français, lui qui voilà, on le sait d'habitude, est plutôt du côté du cross, et là il a pris la 7e place, donc avec un temps 2:10:45. La victoire, elle est revenue à l'Ougandais Victor Kilplanga, qui a remporté donc le marathon en 2:08:53, et le Français est à 2 minutes. Très très beau score et très belle 7e place pour lui, mais sinon autrement pas de médaille, hormis ce 4x400, c'est presque un... Heureusement, ça sauve un petit peu, mais c'est presque un zéro pointé, et qui était tout près du pire bilan. Il y avait déjà eu une médaille, c'était déjà arrivé, mais pas zéro. Et c'était presque battu, mais heureusement, ce 4x400 a un petit peu sauvé les meubles. En tous les cas, il va falloir se remettre très vite en question avant les Jeux. Ce sera dans un an, mais un peu moins maintenant, pour tout le monde, et il faudra faire évidemment bien mieux, évidemment dans ces jeux qui seront à la maison. On aura l'occasion d'en reparler. On va pas s'attarder plus sur ces championnats du monde. À noter que Duplantis a remporté le concours de la perche avec une barre à 6-10. Thibaut Collet, l'autre Français qui a été qualifié pour la finale, qui a quand même réussi une belle performance, puisqu'il a passé une barre à 5,90, c'était son record. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour prendre la médaille, puisque les autres hommes ont été très hauts, hein. Duplantis à 6,10, on le disait. On a également la très belle performance de Ernest Obiena, le Philippin, qui a passé une barre à 5,95, c'était son record. Nielsen et Marshall ont eux passé 5,95 pour prendre la médaille de bronze. Et malheureusement pour le Français, 5,90, ça n'aura pas suffi cette fois. Habituellement, ça peut faire podium, ça peut faire médaille. Mais cette fois, et pour la première fois d'ailleurs dans un concours, les quatre hommes ont passé 5,95, et ça fait pas de médaille pour le Français. Mais en tout cas, belle performance pour lui. Puis à noter que Duplantis a tenté son record du monde, mais il n'a pas réussi. 3 échecs pour lui, mais lui, 6-10, ça suffit pour prendre l'or, en tout cas, qui conserve son titre. Refermons cette page des championnats du monde d'athlétisme. Enchaînons avec autre chose, avec du volley. Du volley, puisque a lieu en ce moment les championnats d'Europe de volley féminin et masculin, qui vont arriver également cette semaine. L'équipe de France féminine est en quart de finale de cette Euro volley. Très belle performance pour les Françaises, elles qui ont terminé deuxième de leur poule, hein, avec une seule petite défaite face aux Pays-Bas, avant de battre samedi la Roumanie 3-7-1 et se qualifier pour son deuxième quart de finale dans un Euro. Ce sera compliqué, ce sera difficile face à l'Italie, qui est tout simplement les favorites, hein, de ce tournoi, tenante du titre, les Italiennes. Donc ce sera demain à 21h. Avant cela, il y aura Pays-Bas Bulgarie à 18h, et puis les autres quarts avec Turquie Pologne mercredi à 17h, et puis Serbie qui attend son adversaire, puisque le match entre la République tchèque et l'Ukraine se jouera ce soir. Donc pour savoir quelle sera la dernière affiche des quarts de finale, mais les Françaises, elles, demain, face à une montagne d'Italie, donc 21h, pour essayer d'aller chercher un premier, une première demi-finale dans un euro. En tous les cas, voilà le défi des Françaises. On rappelle, Italie vainqueur de l'Espagne 3-0 hein, en 8e. Et ce sera en plus à domicile pour l'Italienne. Donc c'est vraiment l'exploit ou rien pour cette équipe de France. On le verra donc demain soir à partir de 21h. Et puis les garçons, eux, vont entamer leur championnat d'Europe. On rappelle que Erwin Engapet sera bien de la partie finalement. C'est une bonne nouvelle évidemment. Dans quel état de forme on le verra en tout cas. Ça va démarrer cette semaine, donc dès mercredi, avec Turquie-France. Ce sera à suivre sur la chaîne L'Équipe hein, d'ailleurs, aussi cet euro masculin. Turquie-France, ce sera donc mercredi à 16h. Pour démarrer, on aura ensuite dès le lendemain jeudi France-Portugal, là encore à 16h. Ensuite nous aurons une pause vendredi, retour samedi avec Israël-France, cette fois-ci à 19h30. Donc ce sera donc samedi. Et enfin deux autres matchs la semaine prochaine, lundi France-Roumanie, là encore à 16h. Et mardi Grèce-France, encore une fois à 16h. Voilà les match, les 5 matchs qui attendent l'équipe de France pour cet euro volley. On rappelle que les 4 premiers se qualifient pour les 8e de finale, donc c'est largement à la portée des Français, 4 sur 6 pour aller chercher les 8e, le même format que chez les femmes, donc ça devrait normalement bien se passer, on l'espère, pour nos Français, donc à partir de mercredi et puis toute la semaine, les matchs qui vont s'enchaîner. Ensuite sur la chaîne L'Équipe, on le rappelle, un euro qui se déroule en Bulgarie, en Israël, en Italie et en Macédoine du Nord. Voilà les quatre pays qui donc vont accueillir cet euro. Voilà pour l'euro du volley, les filles cette semaine pour les quarts de finale et puis les garçons qui démarrent eux leur phase de poule. On poursuit avec toujours l'actualité multisport. On parlait du championnat du monde d'athlétisme, l'euro en volée. Eh bien, continuons à remonter tranquillement avec un autre championnat du monde, une autre coupe du monde. C'est en basket. Et c'était hier, eh bien, le deuxième match pour l'équipe de France pour cette coupe du monde après une première claque subie face au Canada. Eh bien, les Bleus sont déjà sortis du mondial après une nouvelle défaite, cette fois-ci face à un adversaire d'un autre calibre, puisque c'était la Lettonie, première participation dans un mondial, et les Bleus ont pourtant dominé trois quarts, même 99% du temps, puisqu'ils ont mené jusqu'à 40 secondes de la fin avant d'être rejoints et même être battus dans les toutes dernières secondes avec un panier qui a été manqué ensuite par les Français pour tenter dans un premier temps de recoller et puis même de passer devant sur un dernier lancer à 3 points. Malheureusement, ça ne passe pas et ça fait une élimination déjà dès le deuxième match de poule pour l'équipe de France. C'est évidemment une déception énorme pour cette équipe de France qui visait ni plus ni moins que l'or hein, dans cette compétition à un mois des Jeux Olympiques. Et malheureusement, ça se termine déjà pour l'équipe de France qui jouera encore un match dans cette phase de groupe face au Liban, qui est également déjà éliminé. Hein, on rappelle qu'il a déjà subi deux grosses défaites hein, face à la Lettonie 109 à 70 et face au Canada 128 à 73. Les Bleus qui devraient normalement s'imposer assez facilement, mais ce sera déjà fini pour la compétition, même si il faudra quand même jouer d'autres matchs. Puisqu'on le rappelle, dans le basket, que ce soit en Coupe du Monde ou à l'Euro, tout le monde est classé, donc de la première à la 32e place, et les Bleus donc joueront les places de 17 à 32, voilà, donc avec un certain nombre de matchs à jouer pour connaître son classement final. Mais ce sera, quoi qu'il arrive, une déception pour les Bleus, puisqu'il fallait encore passer à une deuxième phase de groupe hein, avant d'aller chercher les quarts de finale. Bah, il n'en sera rien pour cette équipe de France. Battu très tôt et avec voilà des réactions notamment de Nicolas Batum qui ont été très fortes après la défaite Et c'était c'est-à-dire pour lui son dernier mondial, et il sera bien sûr au jeu pour sa dernière compétition avec les Bleus. Mais c'était évidemment une grosse déception. Il faudra très très vite se remettre en question pour ces Jeux Olympiques à la maison, hein, qui seront décisifs, bien sûr, et avec, on espère, des retours de Français. Comme pourquoi pas Wembanyama qui sera, on l'espère, cette fois présent pour participer à ces jeux. À noter que pour le moment, les États-Unis et l'Espagne sont qualifiés pour la deuxième tour. Hein, pour le deuxième tour, les États-Unis ont qualifié, l'Espagne qui a battu le Brésil, ce sont les premiers. On rappelle les Américains champions olympiques. Hein. Donc qui sont qualifiés et également donc l'Espagne donc pour l'instant, mais pour les Bleus c'est fini. Il y aura donc un match, je le disais, face au Liban, ce sera demain à 11h45 pour le plaisir, si on peut dire, puisque quoi qu'il arrive il faudra jouer encore des matchs derrière pour se classer, mais c'est évidemment un fiasco et un échec considérable pour cette équipe de France face à un adversaire en plus qui était vraiment très inférieur, puisque c'était la première participation de la Lettonie, qui d'ailleurs se qualifiera, hein, pour le deuxième tour, cette équipe lettonne, pour la suite de cette Coupe du Monde. On aura l'occasion de revenir sur cette équipe de France, bien sûr, mais on va enchaîner puisqu'il y a encore beaucoup de choses à voir pour la suite. Après donc toutes ces compétitions qui s'enchaînent, une autre qui va démarrer, c'est la Coupe du Monde de rugby cette fois. Ce sera le 8 septembre, match ouverture face à la Nouvelle-Zélande. L'équipe de France jouait hier son dernier match de préparation. C'était face à l'Australie au Stade de France, avec une belle ambiance pour cette dernière répétition générale, où voilà, il y avait notamment un tifo géant qui a été déployé dans le stade. Donc une belle ambiance et un beau match pour des Bleus qui ont été encore au-dessus du lot dans cette rencontre face à l'Australie. Victoire 41-17, 4 essais à la clé, avec des essais donc de Danty, de Damien Penaud deux fois, et puis de Gabin Villière, avec des beaux essais d'ailleurs, avec du jeu au pied. Voilà, ça a été un beau jeu encore pour les Bleus, et puis un Thomas Ramos presque impérial encore au pied, tout comme Melvin Jaminet qui remplaçait à la fin de match Thomas Ramos. Et puis du côté d'Australie, trois essais tout de même, mais très peu de réussite au pied, et 17 points seulement. Voilà, les Bleus à ce que rassurés et rassuré, hein, contre des Australiens assez jeunes, hein, mais ça fait en tout cas une belle rencontre pour finir. Noté que l'Irlande s'est imposée face au Samoa, que l'Italie aussi a battu le Japon, et puis que l'Angleterre a été battue par les Fidji. Ça c'est aussi une sensation, puisque les Fidji se sont imposés en fin de match aussi, et c'est une grosse sensation des Anglais, qui sont vraiment au fond du trou en ce moment et qui se cherchent quelques jours du mondial. Cette équipe de France qui est prête. Notez aussi que du côté de la Nouvelle-Zélande, Scott Barrett qui avait été exclu dans la rencontre de la Nouvelle-Zélande face à l'Afrique du Sud d'ailleurs, hein, qui avait lieu aussi vendredi, hein, où l'Afrique du Sud avait mis une claque, hein, Nouvelle-Zélande 35-7, et bien Scott Barrett qui a été exclu devait dans un premier temps être suspendu pour match face à l'équipe de France, et donc c'est ce qui avait été annoncé, et finalement il ne sera pas suspendu pour ce match d'ouverture. Il est passé ce lundi devant une commission de discipline, et donc il n'a pas été suspendu, il sera bien présent pour cette rencontre. C'est ce qu'a indiqué World Rugby. Dernières heures. Voilà, donc il sera bien présent avec l'équipe de France. On rappelle qu'il avait pris un carton jaune, et ensuite qu'il avait enchaîné avec un carton rouge pour un coup d'épaule dans un ruck, et donc il sera bien présent, donc l'équipe au complet des Blacks pour affronter l'équipe de France. Le mondial donc qui va démarrer vendredi 8 septembre, hein, ce sera pas cette semaine mais la semaine prochaine, donc face à Nouvelle-Zélande pour ouvrir le tournoi. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler très longuement lundi prochain, à une semaine à peine du début. Et on refera un petit point sur tout ce qui arrivera, hein, avec des Bleus qui seront normalement au complet puisqu'il n'y a pas eu de blessés, heureusement, fort heureusement, lors de cette rencontre. Et à noter que les Bleus repassent 3e au classement mondial grâce à cette victoire. Ils étaient passés 4e, l'Afrique du Sud était passée devant, et les Bleus seront passés devant avec cette large victoire. Et l'Irlande et l'Afrique du Sud dominent toujours juste devant la France. Voilà, on va poursuivre, et avant de marquer une pause pour attaquer le foot dans quelques minutes, avec le tennis, US Open, qui a démarré, donc avec les premières rencontres. D'ailleurs, on va refaire un point sur ce qui se passe en direct, et puis bien sûr pour poser les matchs qui vont avoir lieu demain en direct. Donc je rappelle que côté du foot, déjà, Udinese a ouvert le score sur la pelouse de la Salernitana, 1-0 donc à l'heure de jeu, et puis Retafe à la Alavés en Espagne, 0-0 toujours. Les autres matchs démarreront un peu plus tard. En tennis donc, les Français avec Richard Gasquet qui est mené 2-1 face à Fabian Marozan, le Hongrois. Il a d'abord perdu les deux premières manches 6-3-6-1. Il a ensuite remporté le tie-break de la troisième manche. Et là, on a un nouveau tie-break pour la quatrième manche pour recoller à 2-2. Il a cherché une manche décisive. Adrian Manarino, lui, a pris les devants dans sa rencontre face au Japonais Yosuke Wanatuki. Pardon. Il mène 7-5, 6-7, 6-3 donc. Et là, il démarre à l'instant la quatrième manche. Grégoire Barre qui démarre à l'instant sa rencontre, français, et puis également Francis Tiafoe qui démarre aussi son match à l'instant. Gasper Wood mène 6-5, pas de break pour l'instant dans la première manche. Holger Rune lui a perdu la première manche face à Carbales Baena, l'Espagnol, 6-3, et il vient de breaker le Hongrois, il vient de breaker Holger Rune à l'instant, donc 3-2 dans la deuxième manche. Voilà les matchs qui se déroulent en ce moment, et donc il y en aura un certain nombre qui vont s'enchaîner. C'est donc le premier tour, hein, je le rappelle, avec Dominic Thiem aussi qui s'est qualifié lui pour la suite, hein, puisqu'il avait déjà joué hier, hein, les premiers matchs qui ont lieu hier. Dominic Thiem qui s'est qualifié en victoire en 3 manches. Voilà pour l'instant les premiers retours, les premiers résultats, et puis c'est tout, hein, pour l'instant. Il n'y a pas eu beaucoup d'autres résultats à noter dans ce premier tour de match, hormis donc je le disais, ce match de Dominic Thiem qui s'est qualifié donc pour la suite, donc pour le deuxième tour. Et puis on aura donc d'autres Français, je le disais, avec le jeune Français qui s'appelle Titour Drogué, qui se qualifie pour la première fois pour un grand chelem, pour un tableau grand chelem, après passer par les qualifications. Et il affrontera Lorenzo Muzzetti, italien, gros défi pour lui au premier tour. D'autres Français, Enzo Cuoco face à Jerry Vesely, ce sera tout à l'heure aussi en soirée. On aura Hugo Gaston, Quentin Alice face à Benjamin Bonzi, deux Français. On aura Alexandre Muller face à Novak Djokovic, c'est gros défi pour le Français. Ce sera à 2h30 cette nuit. Et puis je regarde qui d'autre. Roger Yassim, le Canadien, jouera aussi ce soir. Tsitsipas jouera cette nuit face à Raonic. Belle première affiche chez les femmes. À noter qu'Alizé Cornet jouera ce soir à 22h30, aux alentours de 22h30, et c'est tout, puisque les autres Françaises ont joué mais ont déjà été sorties. La numéro mondiale, les Viatek, qui s'est qualifiée sans problème, 6-0-6-1 face à Peterson, la Suédoise. Sakari aussi s'est qualifiée, non, Sakari qui a été sortie, pardon, la Grecque. Alors, deux manches sèches, et puis Belinda Bencic, la Suisse, elle s'est qualifiée en deux manches également. Alors, les premiers matchs de la soirée, et puis donc en direct, vous avez aussi d'autres rencontres, et évidemment Collins, l'américaine, Sean Stephens, notre américaine aussi, qui joue en ce moment. Rybakina jouera ce soir aussi, comme Mertens, la belge, ou encore, donc, je disais, Ali Cornier un petit peu plus tard, ou Kvitova aussi. Voilà les matchs. Et puis, Goff aussi, l'américaine, jouera dans le cours de la soirée. Voilà les premiers matchs. Évidemment, on attend Djokovic cette nuit, puis Alcaraz demain. Et puis, lundi prochain, on fera un premier bilan de ce premier tour. On espère que des Français seront encore présents. On aura Gaël Monfils, hein, je le disais aussi, qui sera également présent. Lui qui a été sélectionné pour la Lever Cup, compétition exhibition entre l'équipe monde et l'équipe Europe. Il fera partie de l'équipe Europe. C'est la première fois pour un Français. Il n'y aura pas de Djokovic, pas de Nadal évidemment, et puis pas de Federer pour la première fois évidemment. Lui qui est l'initiative de cette compétition, même s'il sera présent pour être honoré un an après son sa retraite. Et mais donc Gaël Monfils sera présent pour cet événement. Pas de chamboulement dans le classement puisqu'il y avait très peu de tournois la semaine dernière, donc pas de chamboulement au classement. Voilà pour ce point multisport, un petit peu tout ce qu'on pouvait dire, hein. Il y avait beaucoup d'événements, beaucoup de compétitions internationales qui se sont terminées ou qui sont en cours ou qui vont démarrer pour le rugby. Un petit peu tout ce qui se passe. Déception pour le basket évidemment. On espère être consolé par le rugby dans quelques jours. Et puis sinon vous avez bien sûr l'euro aussi, les euros de volley chez les femmes, chez les garçons. Alors on espère que si ça va faire des belles compétitions. Et puis dans un instant, on va marquer une pause tout de suite, et puis dans un instant on revient pour le foot, donc 20h02, on est presque à l'heure. Et on va avoir donc Hugo avec nous dans 3 minutes, 3-4 minutes, pour une heure de débrief foot. Et voilà, il y a beaucoup de choses à dire aussi. On va faire le point dans le programme dans un instant. Et juste après, ce sera Hugo avec nous pour en parler. Qu'est-ce qu'on écoute ? Tiens, qu'est-ce que vous avez choisi pour cette pause ? Vous avez choisi Bakermat, pourquoi pas ? On écoute ce titre et on revient donc après pour la page tennis, foot, avec aussi pour terminer, bien entendu, on aura les pronostics, l'auto-foot Ligue 1. Ce sera donc avec Hugo bien sûr pour terminer. Allez, on écoute Bakermat tout de suite. Baby. On revient juste après dans moins de 4 minutes avec Hugo. Débrief foot pendant une heure, on terminera avec les pronostics. À tout de suite sur Arc-en-Ciel, il est 20h03. Kurmat tout de suite pour cette première et dernière pause, parce qu'on va aller tout droit jusqu'à 21h maintenant pour le foot avec Hugo qui nous a rejoint. Salut Hugo. Salut Rémi, amateur amatrice de football, bonsoir. Comment tu vas? Écoute, ça va très très bien, il fait moins chaud, tout va bien, l'OM a gagné, tout va bien. Bah ouais, c'est ça ce que j'allais dire, et toi tout va bien, puisque ton équipe a gagné, on en parlera tout à l'heure évidemment, et tu, bah, tu avais mis bien sûr vainqueur au pronostic, bien entendu. Bah d'ailleurs on en reparlera des pronostics, j'étais bien parti, il y a eu un dimanche après-midi un peu pourri, mais... Un dimanche soir d'anthologie, mais on en parlera à la fin. Alors, les dimanches soirs sont souvent, les dimanches après-midi sont souvent pourris, hein, d'ailleurs, mais dans tous les sens. Hein. Factuellement, il était pourri, mais au niveau de mon pronostic, il était parfait. Donc, voilà. On va en parler, on fera le point, et puis on pronostiquera bien sûr la quatrième, ce sera en fin d'émission. 21h pour la fin d'émission, on va essayer d'être à l'heure. Avant ça, bah, on va parler de tout le reste, hein, un petit tour en Europe très rapide, et puis on reviendra en France pour finir avec la Ligue 2 et évidemment la Ligue 1 en plus longuement. Donc voilà un petit peu ce qui va se passer jusqu'à 21h. Et puis j'allais dire un petit mot de oui, on peut parler quand même de Ligue des Champions, enfin, de Ligue des Champions, des Coupes d'Europe, puisque Lille était concerné par son barrage cette semaine. Et ben on peut d'ailleurs commencer par ça, puisque c'était le plus loin chronologiquement, puisque Lille était concerné par un barrage, non pas en Ligue des Champions, non pas en Ligue Europa, mais en Conference League. Puisque malgré sa cinquième place, il faut passer par un barrage hein, pour le cinquième de Ligue 1. Et c'est ce que Lille a fait. Donc match aller, c'était jeudi. C'est ça, je dis pas de bêtises, c'est jeudi. Hein, ouais. Ouais, jeudi, ouais. Face à un club croate, hein, le club de Rijeka. Victoire étriquée, hein, 2-1, après avoir été mené 1-0. Et il faudra aller à l'extérieur cette fois pour essayer de... Bah, de parachever cette qualification pour essayer d'avoir un club supplémentaire en conférence. C'est quand même compliqué hein, pour Lille, puisqu'il faut quand même passer par un barrage malgré une cinquième place. Bah ouais, c'est ça, mais c'est aussi ça le problème, c'est qu'on arrive quand même à se dire, tellement on est habitué des clubs français et des catastrophes qu'ils peuvent faire en Coupe d'Europe, comme l'OM récemment avec le PANA, mais oui, certes, il faut passer par un barrage, et c'est un peu triste, parce que oui, tu finis cinquième, c'est la seule place qui peut te qualifier pour une Coupe d'Europe, enfin la Conference League en tout cas, donc c'est quand même dommage de passer par un barrage, mais au-delà de ça, on a quand même peur qu'un des plus gros clubs français, Lille, qui est donc cinquième, donc on va dire le cinquième club français actuellement, le cinquième meilleur club français, on a quand même peur de jouer contre un club croate qui est Rijeka, je veux dire qu'on sans leur manquer... Je ne connais pas. Qu'on ne connaît pas, peut-être j'avais déjà entendu 2-3 fois leur nom, mais voilà, histoire de voir les résultats qu'ils faisaient en Coupe d'Europe les années précédentes, mais peu importe, mais on arrive à craindre en tout cas ces équipes-là. Et ça reste, on le dit chaque semaine, hein. De toute façon Rémi, tu le sais, on le dit chaque semaine, mais et Lille a failli tomber dans le piège croate justement jeudi dernier. Bon, au final ils s'en sont bien sortis, ils ont quand même dominé cette partie très largement. Mais comme tu l'as dit, voilà, Rijeka a ouvert le score à la 24e par un super but d'ailleurs de Patalic, un beau lob. Bon après voilà, Zegrova a surtout réussi à mener Lille jusqu'à la victoire avec un but de Yoro en fin de match. Donc oui, forcément c'est un résultat positif. C'est aussi une performance, on va dire globalement positive pour le LOSC. Oui, encore heureux qu'ils ont dominé cette partie, mais c'est vrai qu'on n'est jamais sûr. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Et donc est-ce qu'on peut être serein du coup pour le retour de ce jeudi? J'ose espérer. Mais ça reste à l'extérieur, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ça reste des pays où les publics sont chauds finalement. C'est un peu ce problème des pays-là. Et vu que souvent les Français ils font caca dans la culotte, et ben on sait jamais. Mais bon, on va y croire. Ouais, il faut y croire. C'est jeudi 20h15 pour se qualifier pour Lille et pour aller chercher une Ligue Conference League. Ce sera le seul club si jamais ça passe. Puisque en Ligue Europa on retrouvera. Du coup Marseille, Toulouse et puis j'ai oublié qui était quatrième l'an dernier et Rennes. Oui Rennes. C'est ça. Oui, Rennes, bien sûr. Ouais, donc on aura trois clubs en Europa League et on espère un club en Europa League Conférence. Ou en Conférence League, je sais plus, je crois qu'on peut plus, on dit juste Conférence League maintenant, je crois. C'est à partir de l'année prochaine, je crois. Ah, ça, d'accord, c'est bien. Ouais. Cette année, c'est encore à rallonge. Ah, mais est-ce que c'est pourquoi on n'a pas changé tout de suite? C'était ouais, trop compliqué. Ouais, il faut attendre 2-3 saisons. Ouais, bon. Je sais pas si ça a des droits ou je ne sais pas. Ouais, peut-être. Ça passe en commission, déjà. Ouais, non, mais c'est. Ouais, bon. Bon, bon, allez, donc Lille, jeudi, on y croit pour cette équipe lilloise. Tiens, je voulais aussi, bon, c'est juste pour avoir un petit peu ce qu'a fait le Panathinaikos quand même contre Braga, puisque on va pas avoir de regrets, même s'il y en aura toujours. Ben, ils ont perdu 2-1. Ils ont perdu 2-1. Bon, on savait que Braga, c'était, si l'OM passait, c'était quand même plus relevé, effectivement, que le Panathinaikos. Bon, Braga, oui, pareil, a dominé cette partie. Le Pana a réussi à, on va dire, entre guillemets, rester en vie jusqu'à la dernière minute grâce à un but de Mancini à la 95e. Mais bon, oui, bon, Braga reste, je pense, supérieur largement au Panathinaikos. Après, voilà, match retour, c'est en Grèce, donc c'est pareil, ils ont quand même un beau public. Maintenant, bon, je pense que Braga va passer. Donc, est-ce qu'on peut avoir des regrets les Marseillais dans un sens, oui, puisque ça prouve qu'on avait peut-être notre place, on peut le dire. Bah oui. J'ai pas envie d'en reparler, Rémi. Non, on en reparle pas. On parlera du tirage qui sera probablement vendredi, je crois. Jeudi, vendredi. C'est peut-être jeudi. C'est peut-être jeudi. Puisque le match se joue avant. À confirmer, mais cette semaine, c'est certain, on va regarder. Je crois que Ligue des Champions, c'est jeudi, du coup, puisque les barrages, ça se finit mercredi. Et tout ce qui est Europa League et Conference League, c'est vendredi, du coup. Oui, puisque ce sera jeudi soir, les derniers matchs. Jeudi, c'est ça, à 16h, pour la Ligue des Champions, ouais. Ouais, voilà. Exactement. Et vous pourrez suivre ça, je sais pas, j'étais en train de regarder, sur Canal+. Plus. Beansport ou RMC Sport, voilà. Ah ok, la triplette. Ouais, tout le monde est estimé là. Et puis pour ceux qui n'ont pas tous les abonnements, je pense que souvent l'équipe, oui, une émission spéciale, l'équipe TV, c'est ça. Où ils sont en plateau, ils réagissent au tirage au sort en direct. Donc même si vous voyez pas les images de la cérémonie, voilà, vous voyez quand même. L'essentiel, c'est d'avoir le tirage. Ouais. Donc on verra, on suivra donc vendredi pour savoir Paris, qu'est-ce qu'attend Paris et Lens du coup. Et Lens. Voilà, et puis il faudra attendre vendredi pour voir ce qu'attend les autres clubs français, les autres Coupes d'Europe. Très bien, voilà pour ce petit point compétition européenne. Je regarde juste les directs puisque ça a bougé en Italie. C'est la Salernitana qui a égalisé face à Udinese 1-1. Il reste 10 minutes désormais dans cette rencontre. Retafe à la Vez 0-0 toujours. On aura ensuite 20h45 Cagliari Inter Milan, Annecy Saint-Etienne en Ligue 2, 21h Versailles Rouen et 21h30 Rayo Vallecano Atlético Madrid. Beaucoup de matchs ce soir. Et 21h15 Rio Ave contre le FC Porto. Exactement, tout à fait, troisième journée du championnat portugais. En tennis, Richard Gasquet a remporté la quatrième manche au tie-break. Et il joue maintenant le cinquième set décisif pour essayer de se qualifier pour le deuxième tour. Et Adrien Manarino, lui, mène toujours 2-1, 2-7-1. Et on joue, il était briqué par contre dans la quatrième manche. Et puis voilà, c'est tout pour les Français pour l'instant du côté de l'US Open. Revenons au foot et dans notre tour d'Europe habituel avec l'Allemagne. Et la Bundesliga, tiens, juste du côté de l'Allemagne pour l'info, c'est l'info du jour, c'est que Manuel Neuer a repris l'entraînement, tu as vu ça avec le Bayern. Ben, je suis en train de l'apprendre, donc je suis content. Il a quel âge Neuer maintenant? Il a combien? 37 ans. 37, hein, 37. Ouais, ça commence à faire. Ça commence à faire, mais c'est toujours un gardien. Puis moi, j'ai beaucoup apprécié parce que c'est... Il est unique. Il est unique, on peut le voir, vous tapez sur Internet, sur YouTube, Manuel Neuer, des actions qui sont restées, il est tout le temps 20-30 mètres devant son but, ouais. quand son équipe attaque, et il ose sortir justement, il n'hésite pas à sortir pour aller tacler quand il y a un contre un, parce que c'est un gardien, c'est-à-dire moderne, mais même les gardiens modernes d'aujourd'hui ne font pas ça. Donc c'est vraiment quelqu'un d'unique et j'aimerais vraiment qu'il retrouve, alors peut-être pas son niveau il y a 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, mais qu'il retrouve un très bon niveau et qu'il retrouve sa place de titulaire au Bayern. Ce serait vraiment intéressant de le revoir encore quelques années, quoi, quelques matchs. Oh, bah, oui, il a toujours été un super gardien, mais ouais, ça va être compliqué de revenir au top niveau à 37 ans, mais on va suivre son retour. Donc là, il a refait une séance collective, mais on ne sait pas encore hein, quand est-ce qu'il va revenir à la compétition. On le verra donc dans les prochaines semaines, on espère, pour l'Allemand. Donc en Allemagne, du coup, le Bayern de son côté a gagné hein, encore une fois hier face à Augsbourg cette fois avec un doublé d'Harry Kane. Un doublé d'Harry Kane qui se font bien dans cette équipe du Bayern. J'ai surtout trouvé qu'il y a une bonne alchimie entre Kane et le latéral gauche canadien Alphonso Davies. Je trouve qu'ils se trouvent très bien ces deux joueurs. Deux joueurs du Commonwealth, hein, canadien et anglais. Ouais. Ils se trouvent très bien. Pareil, cette année, l'ailier droit allemand, qui je trouve fait une bonne premier début de saison. Il est bien. Et il a vécu une saison dernière assez mitigée et il n'a pas toujours été présent, pas toujours été très qualitatif par rapport à ce qu'on a pu, comme on a pu le voir à City auparavant. En tout cas, ouais, Kane, qui franchement se font bien dans cette équipe. Du Bayern, donc pour l'instant, c'est très bien, ouais, un doublé. Bon, je pense que ça va le faire. Il me semble que je l'avais dit il y a une ou deux semaines. Et finalement, c'est l'équipe, je pense, qui lui convenait le mieux à Harry Kane, où il a vraiment besoin d'être une pointe seule. C'est un finisseur, à la manière de Lewandowski avant qu'il parte au Barça. Donc, c'est l'attaquant qu'il fallait au Bayern et c'est le club où il fallait qu'il atterrisse après son départ de Tottenham. Donc, je pense que c'est un très bon mariage et qu'il va marcher dans la durée. Donc c'est très bien, je pense, pour le Bayern comme pour lui. Voilà, Bayern qui a fait le taf et qui donc est premier de Bundesliga. Bon, égalité avec pas mal de clubs, hein. Ils sont 5 à avoir 6 points en match. Ouais. Mais voilà, pour l'instant le Bayern fait le taf et tout va bien. Autre chose, qu'est-ce qu'on a d'autre? Leverkusen qui gagne 3-0. Bah ouais, j'avais commencé à le dire la semaine dernière, Leverkusen qui franchement fait très très bonne impression depuis ce tout début de saison. Là, ils mettent 3-0 à Gladbach, c'est même pas n'importe quelle équipe non plus, hein. Il y a du beau monde, il y a des bons joueurs, donc maintenant Leverkusen, il va falloir vraiment compter sur eux cette saison en championnat. Comme je le disais la semaine dernière, ils peuvent largement jouer le top 4, si ce n'est plus. En tout cas, pour l'instant, ils sont 3e, évidemment, ex aequo avec d'autres équipes, mais franchement, il va vraiment falloir compter sur eux. Voilà, quoi, rien de plus à dire. Franchement, c'est une belle équipe et va falloir suivre ça, parce que je crois que c'est pas la semaine prochaine, je crois que c'est dans deux semaines, il y aura Bayern contre Leverkusen. Ah oui. Et là, ce sera le match à suivre. Premier check. Franchement, faut regarder, ouais. Donc Leverkusen, attention. Dortmund un partout, voilà, on peut rappeler ce résultat-là, qui a pas fait. Pas grand chose à dire, ils sont un peu décevants, voilà. Oui, ils ont été assez maladroits, pas grand chose à dire, honnêtement. Dortmund, pour l'instant, est un peu au ralenti, on verra un peu dans les semaines qui suivent, mais bon, pour l'instant, voilà, un partout à Bochum, c'est vrai qu'il fait un peu décevant dans ce petit derby. Oui. Voilà, pas grand chose à dire, honnêtement, sur Dortmund. Et par contre, Leipzig qui cartonne face à Stuttgart 5-1, ça c'est beau. C'est très très beau, avec des buts de Loïs Openda, l'ancien de Lens, évidemment, qui est arrivé cet été, de Xavi Simons, qui a été prêté par le PSG une nouvelle fois à Leipzig et qui a marqué. Daniel Mo, alors pourquoi je te cite les trois là, c'est parce que c'est vraiment une triplette, alors, je veux dire d'attaque. Openda qui est en pointe avec Youssouf Poulsen, le Danois, mais Openda, Simon et Daniel Mo, donc trois jeunes, on va dire, enfin en tout cas qui ont 25 ans maximum, c'est vraiment une triplette qui est très belle à voir jouer, qui est très surprenante et évidemment qui a beaucoup de futur, hein, ce sont des jeunes joueurs quand même. Voilà, franchement, Leipzig cette année, comme depuis plusieurs saisons, a une très très bonne équipe, ils recrutent très intelligemment. Voilà, Leipzig, pareil, c'est un peu, voire plus quand même que Leverkusen, mais Leipzig, je pense, va vraiment jouer les premiers rôles en Bundesliga cette saison, et même en Coupe d'Europe, encore se méfier du RB Leipzig, parce que franchement, c'est une très très belle équipe. Qui progresse, ouais, d'année en année, hein. d'année en année, mais ils restent un peu sur le même schéma finalement. C'est recruter des jeunes joueurs, les revendre plus cher. Mais à chaque fois, ça fonctionne bien. Ils savent recruter, ils savent acheter quel type de profil et ça marche très bien. Et cette année encore, ouais, ils vont forcément jouer facilement le top 3, je pense. Ouais. Tu disais le classement rapide à 6 points, Berlin, Munich et Leverkusen notamment, qui sont pour l'instant sur une bonne lancée. La semaine prochaine, je regarde rapidement, le Bayern va à Mönchengladbach, il n'y a pas de gros choc hein, pour l'instant. Si. Alors, on peut citer peut-être Gladbach-Bayern qui peut être un match intéressant quand même. Gladbach peut être intéressant quand même avec ses joueurs. Mais c'est pas le match le plus intéressant. Alors oui, c'est pas le match avec Dortmund ou le Bayern, mais le match Union Berlin contre RB Leipzig, je pense qu'il faut regarder aussi. Oui, Berlin qui a gagné ce match, ouais, c'est vrai. Berlin qui est actuellement premier, même de Bundesliga, bon certes avec le goal average, etc., mais qui est premier, qui avait déjà fait une bonne saison l'année dernière, qui a fini dans les 5 premiers. Non, 4 premiers. Ils sont en Ligue des Champions, hein, Berlin, non ? J'ai une bêtise. Oui, l'Union Berlin a. Ils sont LDC, hein, je crois. C'est à confirmer. Je te redis ça tout de suite. J'ai un doute aussi. En tout cas, dans tous les cas, ils ont vraiment joué les premiers rôles jusqu'à la fin de saison quasiment. Et qui, pour l'instant, commencent très bien leur saison. Hein, et 2 matchs, 6 points. Ils sont premiers avec un goal average similaire au Bayern. Mais ça doit jouer après dans les autres statistiques. Mais voilà, Union Berlin contre RB Leipzig. Quatrième, t'as raison. Ouais, c'est ça. Voilà, quatrième. Donc, ils sont en Ligue des Champions. Voilà. Donc c'est une belle petite affiche. Tu nous aurais dit ça il y a 6-7 ans, tu aurais dit que tu racontes toi. Mais aujourd'hui c'est une belle affiche de Bundesliga et il faut se le dire, voilà, c'est un beau petit match, je pense. Et ce sera vendredi du coup. Samedi, pardon. Pour démarrer cette journée. Très bien pour c'est tout pour l'Allemagne, hein. On va enchaîner avec l'Italie. Ouais, on peut enchaîner, ouais. Italie, je regarde juste que ça bouge Non, c'est toujours le même score sur les matchs en direct. En Italie, du coup, c'était la deuxième journée de Serie A. Avec à noter que t'en parleras peut-être tout à l'heure, mais que Sanchez, ça y est, c'est fait pour l'Inter. On en parlait la semaine dernière, c'est officiel. Ouais, j'avais encore un petit peu d'espoir. De le revoir dans les derniers instants du mercato, dans les derniers jours, pas dans les dernières heures, mais revenir à l'OM, mais du coup, ils sont à l'Inter, comme les rumeurs le prédisaient, mais après, j'étais assez surpris de ça. J'ai appris ça évidemment en lisant la presse qu'il allait revenir vraiment à l'Inter, mais il a du coup laissé un dernier post Instagram en faveur des supporters de l'OM. Dans lequel il disait à la fin que c'était pas son choix de partir de l'OM. Alors est-ce qu'il dit vrai, est-ce qu'il dit faux, je sais pas, mais que c'était pas son choix de partir de l'OM. Lui, il voulait vraiment continuer, mais que la direction avait fait des choix de la direction olympienne, et que finalement la raison du départ, ou en tout cas de la non-prolongation de Sanchez à l'OM, c'est très dû à la direction. J'ai pas d'infos plus que ça, hein, je sais pas, voilà, mais c'est vrai que si c'est vrai, c'est dommage de pas l'avoir prolongé. Oui, t'es un bon joueur pourtant. C'est un très bon joueur, certes, qui est en fin de carrière, mais qui, on l'a vu l'année dernière, est encore très très bon et peut encore permettre à l'OM de passer un cap. Surtout, je l'avais dit, la semaine dernière, ou même il y a 2 semaines, j'aurais bien aimé voir associer un Sanchez de Aubameyang, même si c'est deux joueurs exceptionnels, mais qui ont 34, 35 ans, 36 ans. Bon, voilà, mais je pense que ça aurait été intéressant de les voir jouer, notamment en Ligue 1, donc c'est dommage, mais. Et c'est comme ça, mais je pense qu'il a encore le talent et le physique pour s'imposer à l'Inter. Donc j'ai hâte de voir ça aussi, de voir son retour à l'Inter. Inter qui jouera tout à l'heure d'ailleurs face à Cagliari, ce sera dans 20 minutes. Donc dans les autres rencontres, notamment samedi, d'abord c'est le Milan AC qui s'est imposé largement face au Torino. 4-1 avec un doublé pour Olivier Giroud, encore qui marque celui-ci, hein. Il n'arrête pas. Il n'arrête pas, 2 pénaltys pour le coup, mais faut les marquer, hein, les pénaltys. Faut les marquer, c'est vrai. On le dit, faut les marquer. Mais il est encore présent, il fait un très très bon début de saison, tout comme son équipe, faut le dire. Milan qui a marché sur le Torino et qui, à mon humble avis, est vraiment, encore une fois, un candidat très très sérieux au titre. Je pense que c'est vraiment, c'est presque le plus sérieux, en tout cas le plus talentueux sur le papier. Et d'ailleurs, on voit que c'est factuel, hein, sur le terrain, ça marche très bien. Donc, Milan, franchement, pourrait gagner une nouvelle fois le Scudetto. Deux ans après, parce que l'année dernière, c'était la Naples. La Napoli, oui. Donc, ouais, non, Milan, franchement, très très bon début de saison. Pareil pour Giroud, donc c'est le bon augure aussi. Hernandez aussi. Donc pour l'équipe de France, c'est super. On va souligner aussi le but de Pulisic, hein, l'Américain, ouais, qui vient d'arriver cet été. Donc, pour l'instant, tout roule pour Milan. C'est trop bien, rien à dire. C'est un candidat très très sérieux au titre. À suivre, la Roma battue de son côté du côté de Hellas Vérone, malgré avoir joué un fin de match à 10, à 11, pardon, face à Hellas Vérone, mais ça n'a pas suffi. Et la Roma qui chute, hein, déjà. Ouais, ça n'a pas suffi. C'est un début de saison, pas bon, hein, on va le dire, pour la Roma de Mourinho, puisque déjà lors de la première journée, la Roma avait fait match nul, hein, oui, c'est un match nul. Ça a du mal à reprendre le rythme. Bon, on va souligner quand même le but de Oussem Aouar pour la Roma, l'ancien Lyonnais qui vient d'arriver cette saison. Pas grand chose à dire aussi, à voir avec le temps, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est assez décevant. À voir. Très bien, on suivra aussi la suite, hein, pour la Roma. On va poursuivre avec hier, donc la Juve, là aussi, tenue en échec face à Bologne, et qui était même menée 1-0 jusqu'à les dernières minutes. C'est ça. Donc, un beau petit but de Vlahovic pour égaliser la 80e, une belle tête. Pareil, la Juve qui a un petit peu de mal à commencer, à débuter, mais j'ai envie de dire une bonne image qu'on a pu découvrir ce week-end avec la Juve. Je ne sais pas si tu es au courant, mais c'est quand même le grand retour, une nouvelle fois, de Paul Pogba. Oui, une énième fois. En espérant que cette fois-ci, il va plus être trop embêté par son corps, par ses blessures, qui est rentré à la 66e. Il a fait son team. Honnêtement, son entrée m'a plu. On voit qu'il a toujours sa magie dans les pieds, les petites passes qu'il faut, il les fait. Donc, espérons qu'il va continuer, qu'il va peut-être emmerder par ses blessures, et puis voilà. En tout cas, ce serait de bon augure pour le revoir peut-être en équipe de France. Oui, c'est pas impossible si il est performant, il n'y a pas de raison. Donc à partout, bon, pour la Juve. Et puis il y a le Napoli d'abord. Le Napoli, le champion qui poursuit avec un nouveau succès 2-0 face à Sassuolo, là aussi assez pas facilement, mais sereinement en tout cas. Ouais, sereinement, Naples qui gagne, assez tranquillement. Il y a eu un carton rouge pour Sassuolo à la 52e de Maxime Lopez, un ancien milieu de terrain marseillais. Avec un but aussi d'Osimhen sur penalty à la 16e. Donc c'est une première réussie à domicile pour le Napoli et son nouveau coach Rudy Garcia. On rappelle, il arrive à Naples cet été. Naples qui pour l'instant fait son petit bonhomme de chemin, qui donc est aussi à 6 points, tout comme le Milan AC, donc il est co-leader avec le Milan AC et le Hellas Vérone. Pour l'instant, Naples qui confirme et qui donc je pense va arriver quasiment en Ligue des Champions, en poule de Ligue des Champions, avec beaucoup de confiance. Donc c'est une petite équipe qui me continue à me... Enfin, petite équipe, je me comprends, mais qui m'excite bien dans cette première partie de saison. Et notamment, j'aimerais bien aller voir en Ligue des Champions pour voir un petit peu ce que ça donne sur la scène européenne, le Napoli. Et voilà, belle équipe. Et enfin, la défaite de la Lazio 1-0 face au Genoa. Voilà, ça a moins bien marché que la semaine dernière. On avait parlé de Immobilier. Il n'y a pas eu de... Pas de but cette fois et de défaite 1-0 pour la Lazio. Ouais, bon. Oui. Ouais, pas grand chose. Pas plus d'idées, non. Sur cette rencontre, c'était un petit Lazio. Petite Lazio. Petite Lazio, et puis honnêtement, j'ai pas vu beaucoup de résumés ou d'images, donc je vais pas dire grand chose, je ne m'avance pas. Très bien. J'ai cru que c'était Castaldi, non, c'est Cataldi. Ah oui, il manque une lettre. Dan... C'est pas le même. C'est un lointain cousin, mais j'en peux pas. Et donc, en direct, ton jour, c'est d'être fini, même maintenant. Ah, pas encore. Il y a traditionnel plus. Salernitana, Udinese 1 partout. Et il reste quelques secondes. Et Cagliari terminant, c'est dans 15 minutes maintenant. Donc pour la Serie A, pour finir cette deuxième journée, juste un tout rapide coup d'œil sur la semaine prochaine, puisqu'il y a un choc vendredi, dès vendredi, entre la Roma et le Milan AC, déjà. Ouais. Belle affiche. Entre la Roma, donc, ouais, belle affiche. En tout cas, sur le papier, forcément, mais la Roma, oui, qui fait donc un mauvais, on va dire, début de saison, et Milan qui cartonne. Donc, en gros, on sait jamais, oui. Donc, c'est ça, oui, évidemment, ça reste une belle affiche, hein, la Roma et le Milan AC. Donc, on va suivre ça de très près. Et peut-être, pourquoi pas, un réveil de la Roma de Mourinho. Donc, ouais, c'est très intéressant à suivre ce petit match. Et puis, il y a aussi, samedi soir, Napoli-Lazio. Ça aussi, c'est pas mal. Mais c'est ça qui est bien dans les championnats où il y a, on va dire, plusieurs grosses équipes. Il y a souvent des confrontations. Ouais, il y a souvent des affiches, des grosses affiches, voire plusieurs par week-end des fois. Alima a voulu la première ligue, on en parlait tout à l'heure, mais même si bon, peut-être la Serie A, c'est un cran en dessous quand même. Mais oui, c'est vrai que c'est toujours sympa. Il y a souvent des gros matchs. Donc ouais, même Napoli-Lazio, ça peut être sympa à regarder aussi. Je regarde les autres matchs aussi. Ouais, Inter-Fiorentina, bon, c'est un peu moins UV, mais pourquoi pas aussi. Ouais, c'est toujours sympa les championnats comme ça. Ouais. Donc belle petite affiche aussi le week-end prochain. On poursuit avec l'Espagne. C'était donc la troisième journée de Liga. Et le Real qui a gagné, mais le Real qui a perdu gros aussi, avec la blessure de Vinicius Junior. De Vinicius, qui est plus grave, on va dire, que ce qu'on pensait sur le moment, puisqu'il pourrait, il pourrait déjà être absent au moins 4 semaines et peut-être jusqu'à 6 semaines. Donc c'est une grosse perte et surtout... Alors, on va déjà vite fait parler du match rapidement, mais avant de parler de la blessure de Vinicius, etc., du mercato. Donc, Bellingham, qui marque le seul but pour le Real de cette rencontre, 1-0, à la 81e. Bellingham, c'est juste incroyable. En trois matchs, donc, de Liga, c'est 4 buts et une passe D. Ouais, belle perf. C'est très, très belle perf, à son jeune âge, confirmer son talent, en arrivant au Real Madrid du Borussia Dortmund. Franchement, c'est une très, très grosse perf. Donc voilà, vraiment Bellingham pour l'instant très très gros début de saison. Voilà, Real Madrid donc qui est la seule équipe de Liga à être à faire un perfect, à être à 9 points en 3 matchs. Donc voilà, le seul leader le Real. Et donc oui, comme tu le disais, la blessure, le gros coup dur pour le Real avec la blessure de Vinicius. Et surtout Ancelotti qui a bien confirmé que le mercato, en tout cas dans le sens des arrivées, était terminé pour le Real. Sachant qu'en tant que tel, le Real n'a pas remplacé Benzema. Même si entre guillemets on peut dire que Bellingham peut être le remplaçant de Benzema parce que sur le terrain on le voit un petit peu en faux neuf, mais en même temps Bellingham c'est pas son poste de base, donc en réalité il n'y a pas de réel remplaçant à Benzema. Dans les buts, évidemment il y a Courtois qui s'est fait les croisés, bon il y a Kepa qui est arrivé, mais est-ce que ce sera au niveau, je ne sais pas non plus. Pareil, qu'ils mettent sur les côtés à la place de Vinicius, c'est le Real pour l'instant, oui, un carton plein, on va dire, avec 9 points en 3 matchs, mais avec l'enchaînement des matchs, avec la Coupe d'Europe qui va arriver, même si c'est leur compétition, je pense que ça peut rester compliqué pour eux. Voilà, ça va être à suivre. Le Real va être aussi passionnant là-dessus parce que s'ils recrutent vraiment rien de jusqu'à la fin du mercato, donc jeudi, jusqu'à vendredi minuit, ça peut peut-être être compliqué avec ces blessures-là, ces gros absents et sans renfort, ça peut être compliqué avec l'enchaînement des matchs. Ouais, bah oui, non, mais t'as raison, il y a une grosse gestion qui arrive et. Est-ce qu'ils vont pas, ouais, peut-être lancer une dernière cartouche, même si Ancelotti a dit qu'il n'y avait plus de recrues, hein. C'est ça. Normalement. C'est pour ça que je le précise, en fait. C'est parce que dans un sens, ça peut surprendre. Mais c'est vrai que le Real Madrid, depuis plusieurs saisons, hein, on connaît leur façon de faire. Ils font souvent leur mercato au début, au mois de juillet. Et après, dès qu'ils ont leur équipe qui ne leur paraît suffisant, ils s'arrêtent. En moi, c'est une méthode dont je suis particulièrement fan, parce que déjà, c'est pas une équipe qui change du tout au tout chaque été, contrairement à certains clubs que je ne citerai pas, mais c'est un club qui, bon, oui, fait 2-3 achats chaque été, qui font 2-3 ventes aussi, mais c'est pas une équipe qui change à chaque fois de 11, quasiment, tu vois ce que je veux dire, comme les clubs de Ligue 1, comme peut-être l'OM aussi, hein, l'OM, il y a eu pas mal de recrues, on en attend peut-être encore. Donc voilà, mais dans des cas comme ça, avec des blessures, des fois, il faut peut-être penser à avoir aussi des renforts et plus que ça, plus qu'ils en ont. Donc, comme j'ai dit, avec l'enchaînement des matchs, et parce que là, pour l'instant, c'est un match par week-end, mais avec l'arrivée de la Coupe d'Europe, ça peut être différent. Ça change la donne, ouais. Voilà. Et puis pour finir avec le Barça aussi, match à rebondissement et qui finit par s'imposer alors qu'ils étaient menés 3-2. Hein. Finalement, ils ont réussi à arracher la victoire dans les dernières 20 minutes. Match fou, hein. Et ben, ils menaient 2-0 d'abord. Hein, oui, aussi, oui, c'est vrai. Avec des buts de Gavi et de Frankie de Jong. Après, oui, ils se sont fait remonter 3-2 par Villarreal. Donc à la 50e, 3e but de Villarreal, 3-2. Et puis après, très bonne entrée de Ferran Torres qui est venu égaliser 3 partout. Et puis l'éternel Lewandowski qui est venu marquer 4e à la 71e. Donc voilà, le Barça qui, on va dire, assure l'essentiel, mais défensivement qui peut faire encore un petit peu peur. Mais en tout cas, bon, ils assurent les 3 points, c'est sûr. Mais en tout cas, gros match et c'était très très plaisant à suivre. Donc voilà, le Barça qui pour l'instant est donc troisième de Liga avec 7 points, égalité avec Gérone, la petite surprise du début. Oui, c'est vrai, il y en a régulièrement et pour l'instant c'est eux la surprise. Et ce soir c'est l'Atlético qui jouera et ce sera tout à l'heure dans une heure hein, à peine, puisque ce sera 21h30, Rayo Vallecano. Et c'est fini en Italie, donc un partout finalement entre Salernitana et Udinese. Donc dans cette rencontre. Et si on regarde très rapidement la semaine prochaine, ce sera Real Getafe, Osasuna, ben ça il n'y a pas de grosse. Ah, Atlético Madrid Séville, ça peut être intéressant. Ça peut être toujours intéressant, même si si Séville fait pas une saison compliquée là. Pour l'instant, ils ont tout perdu pour l'instant Séville. Ouais. Bah, déjà la saison dernière très compliquée aussi, ouais, mais ça pourrait être toujours intéressant, c'est sûr, mais à voir. Très bien pour l'Espagne, on termine le tour d'Europe en Angleterre. 20h38, on va essayer d'accélérer un petit peu parce qu'on a encore toute la partie Ligue 1 ensuite en Angleterre. Toujours évidemment toutes les grosses affiches. On avait d'abord Chelsea qui démarrait vendredi. C'était face à Luton. Ouais. Première victoire, ça y est, pour Chelsea, enfin qui lance son championnat, notamment grâce à Sterling. Notamment grâce à Sterling, ouais, gros match de sa part, hein, avec un doublé et un centre décisif pour Nicolas Jackson également, qui lui fait un très très bon début de saison. Faudra le suivre ce petit. Mais voilà, c'était le match, on l'avait déjà la semaine dernière, hein, parfait pour lancer la saison de Chelsea avec le petit pousset, voilà, Luton Town, qu'on n'aurait jamais attendu ici en Premier League, mais voilà, c'est le match parfait. Et Chelsea surtout qui dans l'enchaînement des matchs là pendant 3-4 semaines va jouer normalement des équipes qui sont à leur portée, donc Chelsea qui peut là franchement se refaire une beauté et engranger de la confiance et des points surtout. Ouais, ça peut faire le début d'une série. On va suivre Arsenal, petit accro pour Arsenal face à Fulham de partout. Ils ont été rejoints en toute fin de match, les joueurs de les Gunners, donc ça fait deux petits points laissés en route pour l'instant pour Arsenal. Ouais, je pense qu'ils peuvent avoir des regrets sur ce match. Bon, ils ont pris le premier but Arsenal très vite, ouais. Par Fulham la première minute, hein, au bout de plusieurs secondes. Puis après, voilà, Saka a égalisé sur penalty. Et puis deux minutes après, Nketiah qui fait pareil, un très bon début de saison, a marqué le deuxième but pour Arsenal. On les voyait s'envoler vers une victoire puisque Fulham a pris un carton rouge à la 83e. T'as un camion qui recule derrière toi ou quoi? Il y a un Spearmore qui s'égare. Un petit camion qui chauffe les aliments. Ah, voilà. D'accord, ok. C'est pas la même chose. Non. Je disais oui, donc Fulham qui a pris un carton rouge à la 83e et puis qui a quand même marqué 4 minutes plus tard grâce à Palinha, donc deux buts partout. Voilà, Arsenal qui peut se mordre les doigts et qui perd 2 points là-dessus et qui donc laisse, enfin, pas les seuls, mais laisse City seul en tête. On va en parler avec 9 points. Ouais, bah City justement, bah, on peut en parler puisque City en a profité, hein, sachant les résultats de la veille, en a profité pour s'imposer à Sheffield. Mais là aussi, ça s'est joué en fin de match. Hein. En fin de match et très difficilement, donc c'est pour ça qu'ils en ont profité, oui, avec le résultat final, mais au final, le contenu du match n'est pas exceptionnel puisque City a beaucoup raté, notamment Haaland aussi, hein, qui a raté un penalty d'ailleurs. Bon, il a fini par marquer d'une tête puissante, mais voilà, City, vous voyez, qui s'est fait surprendre aussi à la 85e par Bogle. D'ailleurs, à 85e, le but de Sheffield, c'est leur premier tir cadré du match. Ah oui. En toute fin de match, et bon, ils ont marqué. Et puis Rodri, en éternel sauveur, comme il était déjà le buteur en finale des champions l'année dernière contre l'Inter, qui vient sceller la victoire de City. Donc oui, City a fait le taf, mais ils ont largement dominé, mais ils sont fait très très droit. 30 tirs à 6. suis en train de regarder les stats là. Mais seulement 9 cadrés, hein. C'est aussi un petit peu la raison de... Ah oui, non, mais c'est but tardif. J'ai suivi le match de très près et ouais, vraiment très maladroit, et vraiment notamment Haaland, heureusement qu'il marque son but, mais en plus son penalty qui a été très maladroit, qui a été assez invisible comme il peut. Bien la semaine d'avant, hein, je crois. Ouais, ouais, ouais, la semaine d'avant. Ouais. Mais bon, il a marqué son but, c'est toujours ça. C'est ça, il a permis. Ouais, et puis City qui fait le job, hein, simplement quand même. Oui, ça passe. Ça passe pour City. L'autre Manchester United aussi, ça passe. Ça a été aussi pas simple, hein, puisque ça s'est décidé en fin de rencontre. Malgré une supériorité numérique pendant presque 30 demi-heures, hein, ça a été assez compliqué quand même pour United, hein, face au promu Nottingham Forest. Eh ben une bonne demi-heure en supériorité numérique. Ouais. Mais pareil, un scénario assez fou, puisque United était mené 2-0 à partir de la 4e minute. C'est pas rien. Nottingham qui menait 2-0 à la 4e. Eriksen a quand même ramené les siens dans le match à la 17e. Casemiro et puis Fernandez qui a fait un gros match également, qui a beaucoup tenté, notamment avec des tirs de loin, et qui a marqué sur penalty à la 76e. Ouais, United qui a sur l'essentiel, ils ont réussi à sortir du piège de Nottingham. Ça reste de bon augure pour United, mais qui a quand même, on le voit du coup, hein, par le fait de prendre deux buts en début de match, qui a quand même des petites séquelles encore à régler, mais je pense qu'on peut compter sur eux pour le reste de la saison. Et ben 6 points pour l'instant pour United. Et puis Liverpool, ben, c'est décidément, c'était compliqué pour tous les gros ce week-end, puisque Liverpool, là aussi, a gagné difficilement, et ça s'est aussi décidé dans les 10 dernières, puisque Liverpool était mené à 0 encore. Ils étaient menés à 0 par Newcastle, je te l'avais dit la semaine dernière, hein, c'était aussi le match à suivre. Déjà le week-end dernier, c'était Newcastle City, là Newcastle Liverpool, c'était le match à suivre en Angleterre ce week-end. Voilà, Newcastle qui a marqué la 25e grâce à Gordon. Ensuite, quelques minutes plus tard à peine, Van Dijk pour Liverpool a pris un rouge. Donc Liverpool a joué plus de la moitié du match et trois quarts du match en infériorité numérique. Mais qui, grâce à Nunez, son attaquant uruguayen, qui a bien doublé, donner la victoire à Liverpool, à son club. Donc Nunez, est-ce qu'il peut-être aller un petit peu chatouiller Haaland cette saison, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, il a ramené les siens à 10 contre 11 pour les 3 points. Donc c'est une bonne chose pour Liverpool. C'est une mauvaise opération pour Newcastle, club qui va donc disputer la Ligue des Champions. Et en qui je crois beaucoup d'ailleurs, en tout cas en championnat déjà. Mais le calendrier était pas favorable pour démarrer. Hein. Non, bah oui, comme j'ai dit, le week-end dernier c'était déjà City, là c'est Liverpool. Bon après voilà, hein, c'est quand t'enchaînes les gros matchs comme ça, après t'auras forcément une période où il y aura plus de matchs à ton avantage et peut-être qu'ils pourront rattraper un petit peu leur retard. Mais c'est sûr que pour commencer c'est pas facile, notamment pour la confiance. Et donc Liverpool, c'est des matchs qui comptent, ça, hein, les victoires comme ça, c'est vrai que ça, c'est 3 points qui peuvent compter en fin de parcours. Hein. Bah totalement, et puis c'est ça fait du bien, je pense aussi au coach, hein, Jurgen Klopp, hein, qui c'est quoi, c'est sa 7e saison, 8e saison au club. Au moins. Là, ça commence à faire un petit peu, ouais. Ouais, parce que ça fait déjà quelques temps qu'il commence à être vraiment critiqué. Forcément, hein, au bout d'un moment, tu fais pas que des miracles. Hein. Il a gagné la Ligue des Champions avec Liverpool, il a fait son job, c'est un excellent coach, un excellent manager. Voilà, forcément avec le temps, tu perds des joueurs aussi, donc c'était pas facile, mais pour l'instant, voilà. Cette victoire lui fait du bien aussi, personnellement, je pense. Oui, c'est sûr. Ouais. Donc Liverpool, avec cette victoire, fait partie des équipes à 7 points, comme West Ham, Tottenham et Arsenal, voilà, qui sont à la deuxième place, hein, à égalité. Hein. Manchester City, on le disait, est le seul leader avec 9 points. Et puis, on retrouve Chelsea ou United un peu plus loin. United 6 points, Chelsea 4 points. Et puis encore des équipes à 100 points. Sheffield, Burnley, Luton ou encore Everton pour l'instant. Après, pour leur gouverne, Burnley et Luton ont un match de moins. C'est vrai qu'ils ont un match encore qui n'a pas été... joué et qui d'ailleurs a je crois a été reprogrammé non pas encore, ça n'a pas été programmé, mais qui c'est vrai qu'ils ont toujours un match en retard. Très bien pour l'Angleterre. C'est tout, il n'y a rien d'autre traduire. Sur les matchs résultats, je pense qu'on est bon. Cette semaine, demain et mercredi, ce sera le deuxième tour de la Coupe de la Ligue, de la League Cup en Angleterre. Donc la deuxième tour, grosso modo, c'est les 32e, hein, même s'il n'y a pas beaucoup d'équipes, et c'est un petit deuxième tour qui comprend pas encore les Européens. Parce qu'il y a des D4, des D3, mais il y aura quand même Chelsea qui sera présent, puisque Chelsea, on sait, elle a fait une très mauvaise saison l'année passée, donc il faut démarrer très tôt cette Coupe de la Ligue, ou encore Tottenham. Ce sera demain et mercredi, voilà, pour le deuxième tour de cette League Cup. Très bien, on referme la page d'Europe. Alors week-end prochain, Arsenal Manchester United à suivre. Ah oui, c'est ça que je voulais voir. Oui, t'as bien fait de le dire. Oui, belle affiche. Parce qu'il y a forcément, il y a très souvent une grosse affiche, ce sera le Arsenal. Alors, ça c'est une équipe. Oui, ça fait partie des entre guillemets, des classicos de première ligue. Oui. Arsenal United, c'est quand même deux gros rivaux. C'est historique, c'est vrai. Dans le championnat anglais. Ouais. C'est bien de le souligner. Très bien, ce sera quoi, samedi, dimanche? Normalement, c'est samedi, il me semble. D'accord. Ok. Je crois que samedi, ouais. Ben, on suivra ça. Alors, on revient en France très rapidement. C'est parti entre Annecy et Saint-Etienne. 0-0, ça vient de démarrer. Rétafé à la veste, 0-0. C'est l'heure de jeu. Et il reste. Et puis le tennis, c'est fini pour Richard Gasquet qui s'est incliné finalement 6-2 dans la cinquième manche. Donc c'est fini pour lui du côté de l'US Open. Pour Adrien Manarino, il mène toujours 2-7-1 et il mène 6-5 dans la quatrième manche. Donc il pourrait peut-être il aurait la bonne idée de breaker pour gagner, ou peut-être au tie-break, on va suivre. Casper Ruud, un partout toujours, et Holger Rune, toujours un partout aussi dans sa rencontre. Très très rapidement, en national, l'USO a été battu 1-0 à domicile vendredi pour la troisième journée par Martigues, un but à l'heure de jeu, et malgré une supériorité numérique et des occasions, l'USO n'a pas réussi à revenir. Donc une défaite et une victoire pour l'instant, puisqu'il y a toujours un match de retard pour Orléans qui sera face à Sochaux. Hein. Sochaux, on rappelle, qui a réintégré le national. Et pour le moment, eh bien, c'est Martigues justement qui est en tête, car c'est sa victoire avec 7 points. Le Red Star est deuxième avec 6 points. Et Dijon qui est bien là, qui est troisième pour l'instant, avec Le Mans aussi. Des clubs historiques qui sont pour l'instant aux avant-postes. Orléans pointe à 11e place. Mais toujours avec ce fameux match en retard à jouer, qui sera d'ailleurs pas encore décidé pour la date. Et autrement, Orléans jouera son quatrième match à Rouen pour la quatrième journée, donc vendredi soir à 19h30. Voilà pour rapidement les résultats pour Orléans. En Ligue 2, quatre journées déjà de jouer tout de suite, donc c'est Annecy-Saint-Etienne en direct. Et pour l'instant, c'est Caen qui fait la belle opération avec une nouvelle victoire face à Ajaccio 3-0. Et Caen, tout simplement, pour l'instant, est sur un sans faute 4 sur 4, 12 points. Et qui a déjà 3 points d'avance sur Amiens, qui est deuxième. Voilà, donc c'est une belle petite avance déjà pour démarrer le championnat. Auxerre, qui est assez, pour l'instant, englué dans le milieu de tableau, 9e place, 5 points. Voilà, pour Auxerre qui vient de redescendre, on le rappelle. Et donc on a Caen, Amiens, Grenoble pour l'instant dans les avant-postes. Bordeaux qui est 7e avec 6 points, voilà, qui est toujours aussi dans le coup. Et Saint-Etienne qui pourrait, en cas de victoire, là aussi refaire une belle remontée, puisque pour l'instant ils sont 17e. Mais il y a ce match toujours à jouer, donc face à Annecy. Et c'est en direct pour ceux qui le suivent sur Beansport 1. Et évidemment, on va se finir avec la Ligue 1, avec les matchs de cette troisième journée, les pronostics aussi juste après. On va commencer avec vendredi. C'était Nantes qui démarrait, qui avait pour l'instant pas pris un seul point sur les deux premiers matchs, face à Monaco, qui était tout l'inverse, qui avait tout gagné et qui était en tête. Et c'était un match avec des buts et avec du suspense, du spectacle, et ça fait un 3 partout au final quand même. Ça s'entend partout, c'est pas un gros match. Je vais être honnête avec toi, j'ai pas vu le match en direct. J'ai vu quelques actions, pas énormes. Je crois que j'ai même pas vu les 6 buts, mais c'est pour ça que je vais te laisser en parler, surtout que t'es supporter monégasque. Mais oui, Nantes, voilà, je les attendais pas aussi bons, autant avec du répondant en tout cas. Je pensais que Monaco allait quand même encore une fois continuer son petit bonhomme de chemin. En tout cas, il y a toujours Ben Yedder qui marque. Il y a encore Minamino qui a marqué aussi, qui encore un très très bon début de saison, comme je l'avais dit la semaine dernière. Je sais pas si toi, du coup, t'as suivi plus le match. Nantes, c'est vrai qu'ils ont bien, et on les attendait pas, puisque avec deux défaites. Mais belle résistance, et puis avec Mohamed aussi qui a marqué un doublé, qui a bien lancé Nantes aussi très tôt. Ça fait du bien de voir des matchs avec beaucoup de buts. Là, il y en a eu 6. Et pour Nantes, ça annonce quand même peut-être des belles choses, hein, puisque là, c'était face à une belle équipe. Il y a eu des buts, ils ont marqué offensivement aussi, donc c'est simple, c'est bien, ça fait plaisir de voir des matchs comme ça. Pour Monaco, c'est un petit coup d'arrêt, mais bon, rien de grave. Ouais, puis pour Nantes, ça annonce peut-être un petit sursis pour Harris Twin, qui est très critiqué depuis, il est arrivé en fin de saison dernière, mais qui est là depuis début de saison, est très très critiqué et vraiment sur la sellette. Donc ça offre peut-être un sursis pour lui, sachant que le week-end prochain c'est contre l'OM, donc nouveau match compliqué pour Nantes à négocier. Mais comme tu dis, peut-être que c'est le début d'un sursaut d'orgueil et que donc peut-être qu'ils vont créer une nouvelle surprise ou contre l'OM. J'espère pas. Mais c'est un petit coup d'arrêt pour Monaco auquel je ne m'attendais pas, honnêtement. Monaco, certes ils ont pas ramené la victoire, mais ils restent assez costauds, je pense. Je pense qu'il y avait vraiment mieux à faire, et prendre 3 buts à Nantes quand même, c'est beaucoup, ouais. Quand même pas ramener la victoire face à cette équipe nantaise qui a vraiment beaucoup de mal, c'est quand même un petit échec, je pense. Oui, ça reste un échec, c'est sûr. Hein. Il y allait pour gagner. Maintenant, rien d'inquiétant, hein. C'était la troisième journée. Oui. Mais en tout cas, les buteurs sont là. Minamino, tu disais, Ben Yedder, ils sont toujours, toujours en tout cas présents pour marquer. Très bien, on va enchaîner avec Marseille, qui était donc samedi après-midi. 19h, le match avait été décalé pour la chaleur, et c'était face à Brest. Et Marseille, avec deux buteurs, 2-0, et qui ont fait le boulot, hein, et qui ont réussi à livrer un gros match encore. Ouais, gros match. Le boulot a été fait, l'objectif a été rempli, 2-0, but de Bemba au début de match à 4ème, et les premiers buts d'Ismail Assar à la 65ème. Honnêtement, c'était un beau match. On a dominé, l'OM a dominé. Brest n'a pas démérité. Les stats parlent, hein, 15 tirs à 18. Ouais. 18 pour Brest et 15 pour l'OM. Brest n'aurait pas démérité de marquer au moins un but quand même. Il y a eu du gâchis côté breton. L'OM a quand même fait le job à domicile. Et voilà, l'OM est donc pour l'instant deuxième, premier ex aequo avec l'AS Monaco justement. Donc voilà, le job a été fait, le principal a été fait pour la réception de Nantes la semaine prochaine. La confiance est au beau fixe, ça fait du bien d'en gagner après la débâcle en. Ce sera un déplacement à Nantes. Hein. Ouais, derrière Nantes qui reçoit deux fois. Puisqu'ils ont reçu Monaco, ils reçoivent Marseille. Très bien. Paris, ensuite, on attendait une réaction après 2-0 face à Lens. Réaction attendue. Et puis un grand Mbappé encore. Enfin, en tout cas, même une belle équipe au global. Asensio aussi, j'ai trouvé. Et ils ont, j'ai l'impression, enfin lancé leur saison. Depuis la première journée, je persistais sur cette antenne que j'étais pas inquiet pour le PSG, malgré le fait qu'ils aient pas gagné leurs deux premiers matchs, qu'ils ont fait match nul, mais le beau jeu, en tout cas leur identité me donnait confiance en eux, et c'était le cas là contre Lens. Et pareil, Lens, ça fait depuis le début de saison que j'ai des mauvaises paroles sur eux, entre guillemets. Je crois pas trop en eux cette saison, en tout cas moins que la saison dernière. Le PSG va faire le job. D'ailleurs, je t'ai envoyé un message samedi soir. Oui. Parce que pour ceux qui connaissent mon petit prono, c'est un petit jeu où tu peux jouer avec tes amis, tes copains, et tu mets les scores exacts à chaque match de Ligue 1 et de Ligue 2. Bref, j'ai mis 3-0 pour le PSG. Et il a fallu attendre la 95e pour qu'il y ait 3-1. Oui, puis un but casquette. En plus. Villavogui. Donc pour ce jeu-là, j'étais un peu dégoûté, mais bon voilà. Ouais. En tout cas, j'avais quand même globalement vu juste. Voilà, le PSG qui a largement dominé quand même ce match. Après, il y a quand même Ouai qui est rentré pour Lens, côté Lensois, qui je pense, je crois que je l'avais dit la semaine dernière, je sais plus si c'était déjà arrivé lundi dernier. Mais Ilwahi, qui je pense est la bonne recrue pour remplacer Openda, qui a un peu le même profil. Et je pense que c'est le coup qu'il fallait tenter et l'argent qu'il fallait mettre aussi, c'est 35 millions d'euros, hein, Ilwahi pour l'instant. Ouais, c'est beaucoup, hein. C'est pas rien, parce que honnêtement, je. Pour un budget comme Lance. Ben, l'OM, la plus grosse recrue, c'est Vitinha, l'hiver dernier. Et Vitinha, c'était combien? C'était 30 millions ou 35 juste avant. Mais, ouais, ouais, c'était pas préparé. Hein. Ben voilà, donc c'est vrai que quand j'ai vu il y a quelques jours le montant, je me suis dit, ah ouais, quand même. Comme quoi, en Ligue 1, on commence à mettre un peu des prix, mais. Bon, après, il y a aussi la prime de Ligue des Champions qui doit aider aussi. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Mais quand même, il faut les sortir. Ah oui, c'est sûr, ouais. Enfin, pour oser les sortir, surtout chez nous en Ligue 1, on a du mal quand même, je trouve, à sortir le chéquier. Mais bon, bref, voilà. Lens, j'espère qu'ils vont remonter un petit peu la pente quand même. C'est un début de saison compliqué. Hein. Bon, après, voilà, c'est le PSG. On savait que ça allait être très compliqué pour eux. Oui. Honnêtement, j'étais très méchant, on va dire, avec eux depuis le début de saison, mais je pense qu'ils vont remonter la pente, honnêtement. Voilà. Ils auront à Monaco, d'ailleurs, ce week-end, on va en parler. Ah, c'est ce week-end? Ouais, c'est déjà un samedi soir. Oui. Une grosse affiche, ouais. Grosse affiche pour eux. Très rapidement, on va les balayer puisqu'on on a plus le temps. Rennes-Le Havre, Rennes qui menait 2-0 et qui était rejoint de partout et qui a gâché un petit peu son avance. Bah, surtout à 10 contre 11 pendant une demi-heure aussi. Oui, aussi en plus. Ils étaient en super tenue. Il y a eu beaucoup de cas comme ça en Europe, hein, ces derniers temps. Ouais. Des matchs comme ça, un supériorité numérique où finalement tu reviens dans le match et tu gagnes le match quand même. C'est ça. Mais voilà, petit coup d'arrêt pour Rennes. Ouais, Rennes qui a gâché un peu, ouais, ce match. Reims qui a été s'imposer à Montpellier 3-1. Hein, voilà, des Rémois qui enchaînent, hein, après la victoire la semaine dernière, ouais, qui ont été convaincants à Montpellier. Donc, belle position pour Reims et qui s'impose et qui enchaîne du côté de Montpellier. Surtout grâce à Tadji Thomas, hein. Oui, exceptionnel. C'est vrai, qui a marqué deux fois. Strasbourg, de son côté, s'est imposé face à Toulouse et qui renoue avec la victoire. Voilà, ça fait du bien pour Toulouse. Et ça s'est joué en deuxième période pour Strasbourg, pardon. Toulouse, de son côté, qui n'a pas été dangereux du tout. Et voilà, c'est assez logique ce résultat pour Strasbourg qui revient un petit peu aux avant-postes. On le verra au classement. Metz, de son côté, était s'imposé à Clermont. 1-0, but en milieu de deuxième période, 69e minute. Et voilà, donc troisième défaite en tout cas pour Clermont. Ça, c'est l'information. Et qui, du coup, évidemment, est lanterne rouge. Clermont qui démarre mal la saison. Lille, qui a aussi été battu largement à l'extérieur, à Lorient, cette fois 4-1. Lille, peut-être que le match de Ligue de Coupe d'Europe a été décisif dans cette rencontre puisque ils ont peut-être été un petit peu fatigués et 4-1, ça fait beaucoup pour Lille face à une équipe de Lorient qui n'est pas normalement une équipe qu'on attendait à ce niveau-là, mais voilà, 4-1, ça fait beaucoup. Hein. Ouais, ça fait beaucoup. J'ai vu une bonne partie du match honnêtement. C'est vrai que j'étais surpris par le niveau du LOSC. Après voilà, oui, ils ont peut-être un peu de fatigue par rapport au match de Coupe d'Europe de jeudi. Mais Lorient, oui, c'est assez surprenant. Mais en même temps, c'est déjà même la saison dernière, Lorient n'a pas souvent été en haut de tableau, hein, en tout cas la première partie de saison. C'était pas une équipe moche à jouer, honnêtement, à Lorient l'année dernière. Donc surpris, oui, quand même. Honnêtement, voilà, ça reste avec tout le respect que j'ai, ça reste Lorient. Mais non, très très beau match des Lorientais, hein, franchement. Ouais. Rien à dire. Offensif, 4-1, c'est une belle victoire. Et puis, très rapidement, Nice, il y a très peu de choses à dire. 0-0, peu d'occasions, voilà. Je l'avais prédit. Tu l'avais vu, et bravo. Mais en tout cas, pour Lyon, ça fait encore pas de victoire. Mais c'est un point, alors selon... Et Nice non plus, d'ailleurs. Selon Blanc, oui. Mais selon Blanc et Tolisso, c'est un point important et... Et salvateur entre guillemets pour Lyon, donc s'ils sont contents de ça. Ouais, s'ils sont contents de ça, tant mieux pour eux. Eh ben ouais. Le classement, donc tu disais Monaco Marseille à 7 points, Reims, Brest et Strasbourg 6 points. Pour le moment, Rennes et Lorient et Paris 5 points, qui revient Paris. Lille à 4 points 10e, Metz également 4 points, Nice seulement 3 points. Nice qui est la seule équipe avec 3 nuls. Hein. Là, ils ont pas gagné mais pas perdu. Ouais. Et surtout pas gagné, c'est ça, et donc on n'avance pas beaucoup avec des nuls. Et puis on va Lens 1 point seulement. Là aussi, c'est, pour l'instant, ça démarre très mal. Nantes également. Lyon, on en parlait. Et puis, bah, Clermont, on le disait, pour l'instant, pas le moindre point. Et qui démarre très très mal la saison. 21h01, on va faire les pronostics assez vite. D'abord, les résultats de la semaine dernière, enfin, du coup, de ce week-end. Eh bien, grâce à ton 0-0, ouais, tu remportes cette journée avec 4 points. Et donc un point bonus pour le score, du coup, moi aussi. Ça fait 2 plus les 2 points du match d'hier, ça fait 4 points, c'est quand même pas fou. Et puis bah moi 2 points, les 2 matchs qu'on avait vus, c'était Marseille et Paris, hein. On n'avait rien vu d'autre. Ouais. Mais ton... Le dimanche a été surprenant quand même. Le dimanche était compliqué à pronostiquer, c'est vrai. Ouais. Donc bah bravo, tu remportes cette première journée grâce à cette rencontre d'hier soir. La quatrième journée, et ben c'est parti, on la pronostique ensemble tout de suite. Ça démarre vendredi avec la réception de Marseille pour Nantes, qui va recevoir donc après Monaco Marseille. Moi je vais donner Marseille gagnant. Ouais bah je te suis, hein. Je t'ai dit bon avec l'OM je vais pas être tout le temps objectif, mais même si Nantes a peut-être de la confiance et passe à l'heure nulle contre Monaco, je pense que l'OM va faire le job. Ouais donc bon bah ça semble évident pour nous deux, on verra. Samedi c'est à d'abord à 17h Brest. Brest qui est quatrième pour le moment, qui fait un bon début de saison, qui va recevoir Rennes, qui de son côté est sixième. Voilà, c'est plutôt un match de haut de tableau pour ce début de saison. Et moi je vais mettre, c'est compliqué, hein, je vais mettre match nul, je sais pas trop quoi mettre là-dessus. Bah, j'ai failli te suivre, donc c'est vrai que j'ai envie de. Je pense à une petite surprise. Je crois beaucoup en Rennes cette saison, mais je tente la victoire brestoise, moi. Ah, allez, pourquoi pas. Brest qui enchaînerait pour toi. Non, ils ont perdu, non, mais qui avait gagné deux premiers matchs en tout cas. Ouais, bah pourquoi pas. Mais je pense qu'ils peuvent donner du mal à Rennes, ouais. Ben on va suivre donc match nul et victoire pour toi. Monaco Lens à 21h. Monaco qui est leader et qui reçoit Lens qui est tout l'inverse, hein, qui est 15e et qui sort d'une défaite à Paris. Et moi je vais mettre Monaco. Ben moi je tente le nul. Allez, on y va. Dimanche, d'abord 13h, on aura Toulouse, Clermont. Toulouse 11e, Clermont dernier. Je vais mettre Toulouse, moi. Bah, je te suis. Allez, on va suivre. Avec 15h, Lille-Montpellier. Avec Lille qui est 10e, Montpellier 9e, voilà, qui ont le même nombre de points. C'est un match compliqué du dimanche, hein, après-midi. Je vais mettre match nul, moi. Je sais pas trop. C'est compliqué. Lille m'a déçu hier. Et Lille jouera jeudi, je rappelle. Hein. Et voilà, ils vont jouer le match retour jeudi. Aussi. Donc, je tente la petite victoire de Montpellier, quand même. Petite victoire, mais je pense que Montpellier va s'imposer. Ça peut se tenter. Le Havre, Lorient, toujours 15h, Le Havre, 14h, Lorient, 7e, 14e contre 7e, c'est pas simple non plus, je vais mettre, voilà, c'est dur, hein. Je vais te laisser parler le premier. Ouais, bah, match nul. Ouais, j'allais faire à peu près la même chose, je vais mettre Le Havre quand même à domicile. Ok, petite surprise alors. Bah ouais, je sais pas, en fait... Je sais vraiment pas comment mettre sur un match comme ça. Ah mais Le Havre, c'est une belle petite équipe quand même. Ouais, c'est pour ça, je me dis pourquoi pas. Et puis à Turin 15h, on a Metz 12e face à Reims qui est 3e. Metz, ouais. Le T se dit pas. Hein. Metz-Reims. Voilà, faut connaître la ville. Reims alors. Reims ? Oui, Reims, oui. C'est Reims, du coup, hein ? Oui, du coup, c'est Reims. Donc, tu mets Reims, du coup ? J'espère, du coup. D'accord. Et ben, je vais mettre match nul, moi. Il m'inspire rien du tout, ce match. Ah ouais ? Mais puis d'ailleurs, je le regarderai même pas, hein. Je préfère le dire. Non, bah, je pense pas non plus. Ah, bah oui, on est d'accord. Donc, Reims, avec... Ah oui, Reims, c'est vrai qu'ils ont. Ils viennent de gagner deux fois, mais ça va être la fin de série pour moi. Avec un nul. Et 17h, on a Nice, Strasbourg. Nice 13e, Strasbourg 5e. Moi je vais mettre Nice qui va se refaire. Ils n'ont pas gagné encore. Moi je tente la surprise strasbourgeoise, justement. C'est bien, on est d'accord sur rien cette fois. Moi, Pour moi, voilà. Ouais. Il n'y a que deux résultats, on est d'accord. Si on reste, c'est bien. Et puis enfin, le match de 20h45, c'est Lyon-Paris. Lyon 17e. Non, oui, 17e. Et Paris 8e. Avec le score, et moi je vais mettre 3-1 Paris. Et ils vont enchaîner avec un 3-1, pour moi. Et ben moi je vois aussi un but lyonnais, honnêtement, à domicile. Mais moi je vais rajouter un but au PSG, je vais mettre 4-1. Oh. 4-1 Paris, ouais. Et ben écoute, pourquoi pas. Ça peut. Lyon s'entend vraiment faible à certains postes. Et le PSG. C'est vrai qu'offensivement c'est fort. Forcément c'est fort, milieu de terrain, on voit Kaikou Garté, etc. C'est costaud aussi finalement. Donc avec la percussion de Mbappé et d'Embélé, je pense que ça peut claquer. Ok, bon bah écoute, on va suivre. Ouais, il va y avoir du but en tout cas côté parisien. Très bien. 21h07, on est à la bourre, on va quitter là-dessus. Encore. Ouais, encore. Alors, désolé, on n'aura pas de flash mercato ce soir. On fera un flash mercato bilan lundi prochain, puis ce sera fini. Voilà, je pense qu'on fera un petit bilan peut-être des grosses équipes, ou tout du moins les gros clubs de Ligue 1, quoi, peut-être. Je sais pas. Mais... Ouais, voilà, on sera l'occasion quand ce sera fini. Là, il n'y a pas eu grand-chose en plus, hormis Colomboigny, il y a une nouvelle offre, mais sinon c'est... Ouais, voilà, bah, ce sera sûrement officiel la semaine prochaine, je pense. Ouais, ce serait intéressant pour Paris. Très bien. On se quitte avec les derniers matchs, donc, qui restent en cours. Annecy Saint-Etienne 0-0. 23 minutes de jouer pour l'instant. Retafé à la veste 76e 0-0 toujours, il n'y a pas de but. Mais puis il y aura Rayo Vallecano Madrid Atlético à 21h30. Et puis en Italie, Cagliari Inter Milan, c'est parti depuis 20 minutes, pas de but non plus. Et puis 21h15 dans 5 minutes, Rio Ave Porto aussi au Portugal. Et en National, Versailles Rouen, c'est parti aussi depuis 2 minutes. 0-0 aussi en National. Et puis c'est fini pour Manarino qui a gagné 7-5 son quatrième set. Il donc se qualifie pour la deuxième manche, pour le deuxième tour du tournoi de l'US Open. Donc bravo à lui. Et puis en direct, Grégoire Barra, un autre Français qui joue. Il y aura des Français cette nuit, notamment un qui aura fort à faire puisque c'est Alexandre Muller qui va jouer face à Novak Djokovic tout simplement. Ce sera dans le cours de la nuit. Il y aura Hugo Gaston, enfin, il y a plein de Français tout au long de la soirée et de la nuit. Donc pour ce premier tour de l'US Open, puis Alizé Cornet aussi chez les dames, la Française qui joue tout à l'heure donc sa rencontre. Voilà pour les matchs qui restent ce soir. Cette semaine, eh bien, on le disait, au football, il y aura tous les matchs de Ligue 1 et le reste aussi en Ligue 2, évidemment. À l'étranger aussi, avec les affiches qu'on a données. Lille jouera jeudi son avenir en Ligue Europa Conférence face au club croate de, je sais même plus le nom du club d'ailleurs. Rijeka, merci. Ce sera donc à 20h15 pour les Lillois qui ont un avantage d'un but pour l'instant. Le rugby, pour l'instant, préparation finale pour la Coupe du Monde. C'est la dernière semaine avant. La semaine d'ouverture, hein, ça y est, enfin, donc lundi prochain on y sera presque. Et voilà, donc pas de rencontre. Il y a la suite du top 14, évidemment, on n'en a pas parlé ce soir, mais pour l'instant il n'y a pas de grosses surprises, évidemment, avec les internationaux qui sont absents, ça fausse un petit peu le début de championnat. Voilà, côté rugby, on aura donc l'US Open, je le disais, bien entendu, toute la semaine déjà pour la première semaine. Le basket, la Coupe du Monde, ça continue, évidemment, malgré l'élimination des Bleus déjà. Et d'ailleurs, qui joueront toujours, hein, je le disais, pour des matchs de classement. Demain, ce sera le dernier match de groupe face au Liban, qui sera pour du beurre. Et ensuite, ils enchaîneront avec des matchs de classement, les Bleus, malgré tout. Ça, c'est bizarre, le basket est éliminé, mais tu continues de jouer quand même. Des matchs qui servent à rien. C'est affreux, t'es éliminé au bout de deux matchs, mais t'es obligé tu dois rester sur place. Ouais, t'as envie de rentrer, mais non, t'es obligé de rester. C'est fou. C'est affreux. Donc voilà pour le mondial qui continue, évidemment. Et puis en volley, les filles joueront demain quart de finale de l'Euro et les garçons démarrent cette semaine aussi leur Euro avec les matchs de groupe pour démarrer. Et puis je le disais, Formule 1, Grand Prix d'Italie dimanche à Monza. Peut-être la passe de 10 pour Verstappen, qui serait le record absolu, et puis Grand Prix en Espagne, en Catalogne, pour la MotoGP qui reprend après une petite trêve d'une semaine. Voilà le programme de la semaine qui vous attend. Que vous dire d'autre? Bien, on remercie Hugo pour sa participation ce soir. Ben, merci à toi de m'accueillir encore une fois et puis à la semaine prochaine. Et ben, avec plaisir pour les résultats des pronostics. On se quitte avec un dernier titre. Je ne sais pas si tu as le temps de le choisir. Le temps que tu... J'ai pensé. Eh ben, génial. Je t'écoute alors pour ce dernier titre. Enfin, ce deuxième et ce dernier déjà. Ouais, un petit son de 2008 de Booba. Pourvu qu'elle m'aime. Un petit peu été encore. C'est la fin de l'été, donc on continue. Eh ben, très bien. On se quitte avec ça. D'ici lundi prochain, bien bonne semaine. On se retrouve non pas à 19h30, mais à 20h30. Ça y est, c'est le retour de l'horaire classique, puisque c'est Manu qui revient à 19h, donc nous on revient à 20h30. D'ici la bonne semaine et vive le sport. Ciao. Ciao. Derrière ton bureau, tu m'écoutes. Décroise les jambes doucement, laisse couler quelques gouttes. Tu sens que je suis dur, que j'ai fait de la route. Tu crois que je suis d'autre, mais tu as quelques doutes. En effet, je suis un thug, un trop d'animal. J'ai de quoi te siliconer si jamais tu vieillis mal. Gangster et gentleman, c'est dans le mille que je tire. Je fais mal, mais je vais jouir. Si tu vois ce que je veux dire, ce que je veux dire. Lâche-moi ton phone, hey. Je n'ai pas le temps de parler. Qu'est-ce qu'elle est bonne, hey. J'ai ma suite au Hilton. J'ai Paris. On veut qu'elle vienne, peu importe qu'il me haïsse. On veut qu'elle m'aime. Prends mon phone et mon email. J'ai du gel ou de la crème. Je veux que tu viennes, je veux que je revienne. Ne me dis pas que tu m'aimes. Notre amour est insensé. C'est juste une histoire de cul. C'est malheureusement le cas. Je ne serai pas ton fiancé. Cœur brisé, le cul cassé. Salut bien ton crustacé. De la barre, tu dépoussais. Je ne fais que déguster. J'ai fait l'école du crime. Tu visais du X. Prêt pour le meilleur, sont prêts pour le pire. Lâche-moi ton phone. Je n'ai pas le temps de parler. Qu'est-ce qu'elle est bonne, hey. J'ai ma suite au Hilton. J'ai Paris. On veut qu'elle vienne. Peu importe qu'il me haïsse. On veut qu'elle m'aime. As duas questões são certas. Se por um lado esta equipa do Futebol Clube do Porto viaja até a Vila do Conde, com certeza tendo em mente a derrota aqui sofrida na época passada, curiosamente no mesmo dia, também a 28 de agosto, a equipa do Rio Ave percebe que o contexto mudou, a realidade é diferente e para voltar a surpreender o Futebol Clube do Porto é preciso fazer algo mais.